FSI French Revised. Dialogue number 3. À la gare. Dialogue for listening. Listen. À la gare. Deux billets pour Lille, première classe, s'il vous plaît. Aller et retour? Non, deux allées seulement. Pour quelle date? Le 6 juillet. Bien, c'est 42 francs. Voilà, monsieur. Où puis-je retenir mes places? Au dernier guichet à gauche. À la location. Je voudrais louer deux places pour Lille. Vos billets, s'il vous plaît. Les voici. Par quel train partez-vous? Par celui de 19h30. Je peux vous donner deux coins fenêtres. Dans un compartiment pour fumeurs? Oui, monsieur. C'est parfait. Combien vous dois-je? 1 franc. À l'enregistrement. Je voudrais faire enregistrer mes bagages pour Lille. C'est ici. Combien de malles avez-vous? Cette malle verte, là-bas, et la valise à côté. Vous pouvez les faire assurer en face. Non, ce n'est pas la peine. Dialogue for learning. Repeat. À la gare. À la gare. S'il vous plaît. Première classe, s'il vous plaît. Deux billets pour Lille, première classe, s'il vous plaît. Deux billets pour Lille, première classe, s'il vous plaît. Aller-retour. Aller-retour. Deux allées seulement. Non, deux allées seulement. Non, deux allées seulement. Pour quelle date? Pour quelle date? Le 6 juillet. Le 6 juillet. 42 francs. Bien, c'est 42 francs. Bien, c'est 42 francs. Voilà, monsieur. Voilà, monsieur. Retenir mes places. Où puis-je retenir mes places? Où puis-je retenir mes places? À gauche. Guichet à gauche. Au dernier guichet à gauche. Au dernier guichet à gauche. À la location. Deux places pour Lille. Je voudrais louer deux places pour Lille. Je voudrais louer deux places pour Lille. S'il vous plaît. Vos billets, s'il vous plaît. Vos billets, s'il vous plaît. Les voici. Les voici. Partez-vous? Par quel train partez-vous? Par quel train partez-vous? 19h30. Par celui de 19h30. Par celui de 19h30. Deux coins fenêtres. Vous donnez deux coins fenêtres. Je peux vous donner deux coins fenêtres. Je peux vous donner deux coins fenêtres. Pour fumeurs. Compartiment pour fumeurs. Dans un compartiment pour fumeurs. Dans un compartiment pour fumeurs. Oui, monsieur. Oui, monsieur. C'est parfait. C'est parfait. Combien vous dois-je? Combien vous dois-je? Un franc. Un franc. À l'enregistrement. Pour Lille. Mes bagages pour Lille. Faire enregistrer mes bagages pour Lille. Je voudrais faire enregistrer mes bagages pour Lille. Je voudrais faire enregistrer mes bagages pour Lille. C'est ici. C'est ici. Avez-vous? Combien de mal avez-vous? Combien de mal avez-vous? Valise à côté. Et la valise à côté. Cette malle verte là-bas et la valise à côté. Cette malle verte là-bas et la valise à côté. En face. Les faire assurer en face. Vous pouvez les faire assurer en face. Vous pouvez les faire assurer en face. Ce n'est pas la peine. Non, ce n'est pas la peine. Non, ce n'est pas la peine. Dialogue for fluency. Repeat. À la gare. À la gare. Deux billets pour Lille, première classe, s'il vous plaît. Deux billets pour Lille, première classe, s'il vous plaît. Aller-retour. Aller-retour. Non, deux allées seulement. Non, deux allées seulement. Pour quelle date? Pour quelle date? Le 6 juillet. Le 6 juillet. Bien, c'est 42 francs. Bien, c'est 42 francs. Voilà, monsieur. Voilà, monsieur. Où puis-je retenir mes places? Où puis-je retenir mes places? Au dernier guichet à gauche. Au dernier guichet à gauche. À la location. Je voudrais louer deux places pour Lille. Je voudrais louer deux places pour Lille. Vos billets, s'il vous plaît. Vos billets, s'il vous plaît. Les voici. Les voici. Par quel train partez-vous? Par quel train partez-vous? Par celui de 19h30. Par celui de 19h30. Je peux vous donner deux coins fenêtres. Je peux vous donner deux coins fenêtres. Dans un compartiment pour fumeurs. Dans un compartiment pour fumeurs. Oui, monsieur. Oui, monsieur. C'est parfait.